temps de faire des efforts. Je pense à faire ce décor revoir. Pour de l'argent, chacun sa méthode. Jeune riche, je veux faire le tour du globe. Fais-moi confiance, ne sois pas pressé. On est tombé pour mieux se relever. Tu peux pas me dire que t'es pas heureuse. Maintenant, comment tu fais pour me supporter? Pense qu'à l'oseille pour te mettre à l'abri. Toi, tu comprends pas. Sans alliance, t'es déjà dans la famille. Demande à me renvoyer. Ma mère, t'es sa fille. T'es mon petit saphir. Mais je fais mes affaires. Un jour, tu comprends. Je suis bloqué là. Tu m'harcèles, réponds, tu ne peux pas, c'est la guerre en bas. Je vais faire les choses bien, mais le mal m'appelle, à toi c'est combien. Bientôt tout s'arrête, là faut faire avec, je suis bloqué en bas. Bloqué en bas. Elle sait que je vais le faire, voir ses larmes de joie, c'est ce que j'espère. Tous ceux qui parlent sur elle, je vais les faire taire. Sur une nouvelle île ou vers l'estate. Je t'ai donné mon cœur, dans la tête j'en ai plus besoin. Aujourd'hui je te prête ma haine, je te pardonnerai demain. Tout le monde me conseille, j'en fais comme ma tête. Mais fais-moi confiance, je sais totalement ce que je veux. T'en as marre, tu vois tous les autres se marier. Je sais, chaque matin c'est derrière moi que tu vas briller. Tu m'harcèles, réponds, je ne peux pas, c'est la guerre en bas. Je vais faire les choses bien, mais le mal m'appelle, la date c'est combien. Bientôt tout s'arrête, là faut faire avec, je suis bloqué en bas. Tu m'harcèles, réponds, je ne peux pas, c'est la guerre en bas. Je vais faire les choses bien, mais le mal m'appelle, la date c'est combien.